avec les ballons, on finira par aller dans la Lune. On n'est pas prêt de les diriger. Bandit. Toujours féroce. Banquet. La plus franche des cordialités ne cesse d'y régner. On en emporte le meilleur souvenir et on ne se sépare jamais sans s'être donné rendez-vous pour l'année prochaine. Un farceur doit dire « Au banquet de la vie, infortuné convive, etc. » Banquier. Tous riches. Arabes, loups, cerviers. Baragouin. Manière de parler des étrangers. Toujours rire de l'étranger qui parle mal français. Barbe. Signe de force. Trop de barbe fait tomber les cheveux. Utile pour protéger les cravates. Barbier. Aller chez le frater, chez Figaro. Le barbier de Louis XI. Autrefois saignait. Bâble. Terme de mépris pour désigner toute femme qui s'intéresse aux choses intellectuelles. Citer Molière à l'appui. Quand la capacité de son esprit se hausse, etc. Base de la société. Id est. La propriété, la famille, la religion, le respect des autorités. En parler avec colère si on les attaque. Basilique. Synonyme pompeux d'église et toujours imposante. Basque, le peuple qui court le mieux. Bataille, toujours sanglante. Il y a toujours deux vainqueurs, le battant et le battu. Bâton, plus redoutable que l'épée. Baudruche, ne sert qu'à faire des ballons. Bayadère, mot qui entraîne l'imagination. Toutes les femmes de l'Orient sont des bayadères. Voir odalisque. Beethoven. Ne prononcez pas Beethoven. Se pâmer quand même lorsqu'on exécute une de ses œuvres. Berger. Tous sorciers ont la spécialité de causer avec la Sainte Vierge. Bête. Ah, si les bêtes pouvaient parler! Il y en a qui sont plus intelligentes que des hommes. Bible, le plus ancien livre du monde. Bibliothèque. Toujours en avoir une chez soi, principalement quand on habite la campagne. Bière. Il ne faut pas en boire, ça enrhume. Billard. Noble jeu. Indispensable à la campagne. Blonde. Plus chaude que les brunes, voire brunes. Bois. Les bois font rêver, sont propres à composer des vers. À l'automne, quand on se promène, on doit dire « De la dépouille de nos bois, etc. » Bonne. Toute mauvaise, il n'y a plus de domestique. Bonne et grecque. Indispensable à l'homme de cabinet. Donne de la majesté au visage. Bossu. Ont beaucoup d'esprit. Sont très recherchés par des femmes lascives. Bottes. Par les grandes chaleurs, ne jamais oublier les allusions sur les bottes de gendarmes ou les souliers des facteurs. N'est permis qu'à la campagne, au grand air. On n'est bien chaussé qu'avec des bottes. Boucher. Sont terribles en temps de révolution. Boudin. Signe de gaieté dans les maisons. Indispensable la nuit de Noël. Bouddhisme. Fausse religion de l'Inde. Définition du dictionnaire Bouillet, première édition. Bouilli. Le. C'est sain. Inséparable du mot soupe. La soupe et le bouilli. Boulet. Le vent du boulet rend aveugle. Bourreau. Toujours de père en fils. Bourse. Là. Thermomètre de l'opinion publique. Boursier. tous voleurs. Bouton. Au visage ou ailleurs, signe de santé et de force du sang, ne point les faire passer. Braconnier. Tous forçats libérés, auteurs de tous les crimes commis dans les campagnes, doivent exciter une colère frénétique. Pas de pitié, monsieur, pas de pitié. Bras. Pour gouverner la France, il faut un bras de fer. Breton. Tous braves gens, mais entêtés. Broche. Doit toujours encadrer une mèche de cheveux ou une photographie. Brune. Plus chaude que les blondes, voire blondes. Budget. Jamais en équilibre. Buffon. Mettez des manchettes pour écrire. Fin de la lettre B. Lettre C du Dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre C. Cachet. Toujours suivi de « tout particulier ». Cachot. Toujours affreux. La paille y est toujours humide. On n'en a pas encore rencontré de délicieux. Cadeau. Ce n'est pas la valeur qui en fait le prix. Ou bien ce n'est pas le prix qui en fait la valeur. Le cadeau n'est rien. C'est l'intention qui compte. Café. Donne de l'esprit. N'est bon qu'en venant du Havre. Dans un grand dîner, doit se prendre debout. L'avaler sans sucre, très chic, donne l'air d'avoir vécu en Orient. Calvitie. Toujours précoce et causée par des excès de jeunesse ou la conception de grandes pensées. Camarilla. S'indigner quand on prononce ce mot. Campagne. Les gens de la campagne meilleurs que ceux des villes enviaient leur sort. À la campagne, tout est permis. Habits bas, farces, etc. Canard. Viennent tous de Rouen. Candeur. Toujours adorable. On en est rempli ou on n'en a pas du tout. Canonnade. Change le temps. Carabin. Dorme près des cadavres. Il y en a qui en mangent. Carême. Au fond, n'est qu'une mesure hygiénique. Cataplasme. Doit toujours être mise en attendant l'arrivée du médecin. Catholicisme. A eu une influence très favorable sur les arts. Cauchemar. Vient de l'estomac. Cavalerie. Plus noble que l'infanterie. Caverne. Habitation ordinaire des voleurs. Sont toujours remplis de serpents. Cèdre. Celui du jardin des plantes a été rapporté dans un chapeau. Célébrité. Les célébrités s'inquiétaient du moindre détail de leur vie privée afin de pouvoir les dénigrer. Célibataires. Tous égoïstes et débauchés. On devrait les imposer. Se préparent une triste vieillesse. Censure. Utile, on a beau dire. Cercle. On doit toujours faire partie d'un cercle. Certificat. Garantie pour les familles et pour les parents est toujours favorable. Cérumen. Cire humaine. Se garder de l'ôter parce qu'elle empêche les insectes d'entrer dans les oreilles. Chacal. Singulier de chacos. Vieux, mais fait toujours rire. Chaleur. Toujours insupportable. Ne pas boire quand il fait chaud. Chambre à coucher. Dans un vieux château, Henri IV y a toujours passé une nuit. Chameau. À deux bosses et le dromadaire une seule. Ou bien le chameau a une bosse et le dromadaire deux. On s'y embrouille. Champagne. Caractérise le dîner de cérémonie. Faire semblant de le détester en disant que ce n'est pas du vin. Provoque l'enthousiasme chez les petites gens. La Russie en consomme plus que la France. c'est par lui que les idées françaises se sont répandues en Europe. Sous la Régence, on ne faisait pas autre chose que d'en boire. Mais on ne le boit pas, on le sable. Champignons ne doivent être achetés qu'au marché. Chanteur avale tous les matins un œuf frais pour s'éclaircir la voix. Le ténor a toujours une voix charmante et tendre, le baryton un organe sympathique et bien timbré, et la basse une émission puissante. Chapeau protester contre la forme des chapeaux. Charcutier anecdote des pâtés faits avec de la chair humaine. Toutes les charcutières sont jolies. Chartreux passent leur temps à faire de la chartreuse, à creuser leur tombe et à dire « Frère, il faut mourir ». Chasse excellent exercice que l'on doit feindre d'adorer. Fait partie de la pompe des souverains. Sujet de délire pour la magistrature. Chat les chats sont traîtres. Les appeler tigres de salon. Leur couper la queue pour empêcher le vertigo. Châtaigne femelle du marron. Chateaubriand connu surtout par le beefsteak qui porte son nom. Châteaufort a toujours subi un siège sous Philippe Auguste. Cheminée fume toujours. Sujet de discussion à propos du chauffage. Chemin de fer. Si Napoléon les avait eus à sa disposition, il aurait été invincible. S'extasier sur leur invention et dire « Moi, monsieur, qui vous parle, j'étais ce matin à X, je suis parti par le train de X, là-bas, j'ai fait mes affaires, etc., et à X heures, j'étais revenu. » Cheval. S'il connaissait sa force, ne se laisserait pas conduire. Viande de cheval, beau sujet de brochure pour un homme qui désire se poser en personnage sérieux. Cheval de course, le mépriser. À quoi sert-il? Chien. Spécialement créé pour sauver la vie à son maître. Le chien est l'ami de l'homme. Chirurgien. Ont le cœur dur. Les appeler boucher. Choléra. Le melon donne le choléra. On s'en guérit en prenant beaucoup de thé avec du rhum. Christianisme a affranchi les esclaves. Cidre gâte les dents. Cigares ceux de la régie, tous infects. Les seuls bons viennent par contrebande. Cirage n'est bon que si on le fait soi-même. Clair-obscur on ne sait pas ce que c'est. Clarinette. En jouer rend aveugle. Exemple. Tous les aveugles jouent de la clarinette. Classique. Les. On est censé les connaître. Clocher de village. Fait battre le cœur. Clou. Voir bouton. Clown. A été disloqué dès l'enfance. Club. Sujet d'exaspération pour les conservateurs. Embarras et discussion sur la prononciation de ce mot. Cochon. L'intérieur de son corps étant tout pareil à celui d'un homme, on devrait s'en servir dans les hôpitaux pour apprendre l'anatomie. Cocu. Toute femme doit faire son mari cocu. Coffre-fort. Leurs complications sont très faciles à déjouer. Cognac. Très funeste. Excellent dans plusieurs maladies. Un bon verre de cognac ne fait jamais de mal. Pris à jeun, tue le ver de l'estomac. Coït. Copulation. Mots à éviter. Dire « ils avaient des rapports ». Colère. Fouette le sang. Hygiénique de s'y mettre de temps en temps. Collège, lycée. Plus noble qu'une pension. Colonie, no. S'attrister quand on en parle. Comédie. En vers, ne convient plus à notre époque. On doit cependant respecter la haute comédie. Castigat ridendo mores. Comète. Rire des gens qui en avaient peur. Commerce. Discuter pour savoir lequel est le plus noble, du commerce ou de l'industrie. Communion. La première communion, le plus beau jour de la vie. Compas. On voit juste quand on l'a dans l'œil. Concert. Passe-temps comme il faut. Concession. N'en faire jamais. Elles ont perdu Louis XVI. Conciliation. Les prêcher toujours, même quand les contraires sont absolus. Concupiscence. Mot de curé pour exprimer les désirs charnels. Concurrence. L'âme du commerce. Confiseur. Tous les Rouennais sont confiseurs. Confortable. Précieuse découverte moderne. Congréganiste. Chevalier donnant. Conjuré. Les conjurés ont toujours la manie de s'inscrire sur une liste. Conservateur. Homme politique à gros ventre. Conservateur borné. Oui, monsieur, les bornes servent de garde-fous. Conservatoire. Il est indispensable d'être abonné au conservatoire. Constipation. Tous les gens de lettres sont constipés. Influe sur les convictions politiques. Contralto. On ne sait pas ce que c'est. Conversation. La politique et la religion doivent en être exclues. Copahu. Feindre d'en ignorer l'usage. Coq. Un homme maigre doit toujours dire qu'un bon coq n'est jamais gras. Corps aux pieds. Indique le changement de temps mieux qu'un baromètre. Très dangereux quand il est mal coupé. Citer des exemples d'accidents terribles. Corps de chasse. Dans les bois fait bon effet, et le soir sur l'eau. Corde. On ne connaît pas la force d'une corde, et plus solide que le fer. Cordonnier. Né sous tort ultra crépidam. Corps. Si nous savions comment notre corps est fait, nous n'oserions pas faire un mouvement. Corset. Empêche d'avoir des enfants. Cosaque. Mange de la chandelle. Coton. Est surtout utile pour les oreilles. Courtisane. Est un mal nécessaire. Sauvegarde de nos filles et de nos sœurs, tant qu'il y aura des célibataires. Devrait être chassée impitoyablement. On ne peut plus sortir avec sa femme à cause de leur présence sur le boulevard. Sont toujours des filles du peuple débauchées par des bourgeois riches. Cousin. Conseiller au mari de se méfier du petit cousin. Couteau. Est catalan quand la lame est longue. S'appelle poignard quand il a servi à commettre un crime. Crapaud. Mâle de la grenouille. Possède un venin fort dangereux. Habite l'intérieur des pierres. Créole. Vit dans un hamac. Criminel. Toujours odieux. Critique. Toujours éminent. Est censé tout connaître, tout savoir, avoir tout lu, tout vu. Quand il vous déplaît, l'appelez Aristarque ou Eunuque. Crocodile. Imite le cri des enfants pour attirer l'homme. Croisade. Ont été bienfaisantes pour le commerce de Venise. Crucifix. Fait bien dans une alcôve et à la guillotine. Cuir. Tous les cuirs viennent de Russie. Cuisine. De restaurant. Toujours échauffante. Bourgeoise. Toujours saine. Du midi. Trop épicé ou tout à l'huile. Cujas. Inséparable de Bartole. On ne sait pas ce qu'ils ont écrit. N'importe. Dire à tout homme étudiant le droit. Vous êtes enfermé dans Cujas et Bartole. Curacao. Le meilleur est de Hollande, parce qu'il se fabrique à Curaçao, une des Antilles. Cygne. Chante avant de mourir. Avec son aile, peut casser la cuisse d'un homme. Le cygne de Cambrai n'était pas un oiseau, mais un homme nommé Fénélon. Le cygne de Mantoue, c'est Virgile. Le cygne de Pesaro, c'est Rossini. Cyprès. Ne pousse que dans les cimetières. Tsar. Prononcer tsar, et de temps en temps autocrate. Fin de la lettre C. Enregistrée par Ezoie, en Belgique, en septembre 2008. Lettre D du Dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre D. Daguerreotype remplacera la peinture, voire photographie. Damas, seul endroit où l'on sache faire les sabres. Toute bonne lame est de Damas. Dame, tout pour les dames, honneur aux dames. Ne jamais dire, ces dames sont au salon. Danse, on ne danse plus, on marche. Danton. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Dartre, signe de santé, voire bouton. Darwin, celui qui dit que nous descendons du singe. Dauphin, porte les enfants sur son dos. Débauche, cause de toutes les maladies des célibataires. Déchaîné, on déchaîne ses chiens et les mauvaises passions. Décor de théâtre. N'est pas de la peinture, il suffit de jeter en vrac sur la toile un seau de couleur, puis on l'étend avec un balai et l'éloignement avec la lumière fait l'illusion. Décoration de la Légion d'honneur. La blaguer, mais la convoiter. Quand on l'obtient, toujours dire qu'on ne l'a pas demandé. Décorum, donne du prestige, frappe l'imagination des masses. Il en faut, il en faut. Défaite, s'essuie, et elle est tellement complète qu'il n'en reste personne pour en porter la nouvelle. Défilé, toujours citer les Thermopyles. Le défilé des Vosges sont les Thermopyles de la France. C'est beaucoup dit en 1870. Déicide, s'indigner contre, bien que le crime ne soit pas fréquent. Déjeuner des garçons, exige des huîtres, du vin blanc et des gaudrioles. Démêloir, fait tomber les cheveux. Démosthène, ne prononcez pas de discours sans avoir un galet dans la bouche. Dents, sont gâtés par le cidre, le tabac, les dragées, la glace, boire de suite après le potage et dormir la bouche ouverte. Dents œillères, dangereux de l'arracher parce qu'elle correspond à l'œil. L'arrachement d'une dent ne fait pas jouir. Dentiste. Tous menteurs. Se servent du baume d'acier. On les croit aussi pédicures. Se disent chirurgiens comme les opticiens se disent ingénieur. Dépuratif. Se prend en cachette. Député. Lettre. Comble de la gloire. Tenez contre la Chambre des députés. Trop de bavards à la Chambre. Ne font rien. Dératé. Courir comme un dératé. Inutile de savoir que l'extirpation de la rate n'a jamais été pratiquée sur l'homme. Derby, mot de course, très chic. Descartes, cogito ergo sum, Désert. Produit des dattes. Dessert. Regretter qu'on n'y chante plus. Les gens vertueux le méprisent. Non, non, pas de pâtisserie, jamais de dessert. Dessin. L'art du. Se compose de trois choses. La ligne, le grain et le grainé fin. De plus, le trait de force. Mais le trait de force, il n'y a que le maître seul qui le donne. Christophe. Devoir. Les exiger de la part des autres, s'en affranchir. Les autres en ont envers nous, mais on n'en a pas envers eux. Dévouement. Se plaindre de ce que les autres en manquent. Nous sommes bien inférieurs aux chiens sous ce rapport. Diamant. On finira par en faire. Et dire que ce n'est que du charbon. Si nous en trouvions un dans son état naturel, nous ne le ramasserions pas. Diane. Déesse de la chasteté. Dictionnaire. En dire. N'est fait que pour les ignorants. Dictionnaire de rime. S'en servir. Honteux. Diderot. Toujours suivi d'Alembert. Dieu. Voltaire lui-même l'a dit. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Dilettante. Homme riche, abonné à l'opéra. Diligence. Regretter le temps des diligences. Dîner. Autrefois, on dînait à midi. Maintenant, on dîne à des heures impossibles. Le dîner de nos pères était notre déjeuner, et notre déjeuner était leur dîner. Dîner si tard que ça s'appelle pas dîner, mais souper. Diogène. Je cherche un homme. Retire-toi de mon soleil. Diplomatie. Belle carrière, mais hérissée de difficultés, pleine de mystères. Ne convient qu'aux gens nobles. Métier d'une vague signification, mais au-dessus du commerce. Un diplomate est toujours fin et pénétrant. Diplôme. Signe de science. Ne prouve rien. Directoire. Le. Les honneurs du directoire. Dans ce temps-là, l'honneur s'était réfugié aux armées. Les femmes à Paris se promenaient toutes nues. Dissection. Outrage à la majesté de la mort. Diva. Toutes les cantatrices doivent être appelées diva. Divorce. Si Napoléon n'avait pas divorcé, il serait encore sur le trône. 10. Conseil des. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est formidable. Délibéré masqué. En trembler encore. Jin. Nom d'une danse orientale. Docteur. Toujours précédé de bon et, entre hommes, dans la conversation, de foutre. Ah, foutre, docteur. Est un aigle quand il a votre confiance, n'est plus qu'un âne dès que vous êtes brouillé. Tous matérialistes. C'est qu'on ne trouve pas la foi au bout d'un scalpel. Doctrinaire. Les mépriser. Pourquoi? On n'en sait rien. Document. Toujours de la plus haute importance. Doge. Épouser la mer. On n'en connaît qu'un. Marino Faliero. Doigt. Le doigt de Dieu se fourre partout. Dolmen. Un rapport aux anciens Français. Pierre qui servait au sacrifice des druides. Il n'y en a qu'en Bretagne. On n'en sait pas plus. Dôme. Tour de forme, sic, architectural. S'étonner de ce que cela puisse tenir tout seul. En citer deux. Celui des Invalides et celui de Saint-Pierre de Rome. Domicile. Toujours inviolable. Cependant, la justice, la police, y pénètrent quand elles veulent. Je regagne mes pénates, je rentre dans mes lares. Domino, on y joue d'autant mieux qu'on est gris. Dompteur, de bête féroce. Emploie des pratiques obscènes. Donjon, éveille des idées lugubres. Dormir, trop dormir épaissit le sang. Dortoir, toujours spacieux et bien aéré, préférable aux chambres pour la moralité des élèves. Dos, une tape dans le dos peut rendre poitrinaire. Douane, on doit se révolter contre et la frauder, voire octroi. Douleur, a toujours un résultat favorable, la véritable est toujours contenue. Doute, pire que la négation. Drap, tous les draps viennent d'Elbeuf. Drapeau, national, sa vue fait battre le cœur. Droit, le, on ne sait pas ce que c'est. Drôle, doit s'employer à tout propos, c'est drôle. Duel, tonner contre, n'est pas une preuve de courage, prestige de l'homme qui a eu un duel. Dupe, mieux vaut être fripon que dupe. Duputrin, célèbre par sa pommade et son musée. Dur, ajoutez invariablement comme du fer. Il y est bien dur comme la pierre, mais c'est moins énergique. Fin de la lettre D. Lettre E du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dictionnaire des idées reçues, de Gustave Flaubert. Lettre E. Eau. L'eau de Paris donne des coliques. L'eau de mer soutient pour nager. L'eau de Cologne sent bon. Ébéniste. Ouvrier qui travaille surtout l'acajou. Échafaud. S'arranger quand on y monte, pour prononcer quelques mots éloquents avant de mourir. Écharpe, poétique. Échec, jeu d'ai. Image de la tactique militaire. Tous les grands capitaines y étaient forts. Trop sérieux pour un jeu, trop futile pour une science. Écho, citer ceux du Panthéon et du pont de Neuilly. Éclectisme, tonner contre comme étant une philosophie immorale. École, polytechnique, rêve de toutes les mères. Vieux. Terreur du bourgeois dans les émeutes quand il apprend que l'école polytechnique sympathise avec les ouvriers. Vieux. Dire simplement « l'école » fait croire qu'on y a été. À Saint-Cyr, jeunes gens nobles. À l'école de médecine, tous exaltés. À l'école de droit, jeunes gens de bonne famille. Économie. Toujours précédé de « ordre », mène à la fortune. Citer l'anecdote de Laffitte ramassant une épingle dans la cour du banquier Perregaux. Économie politique, science sans entrailles. Écrevisse, marche à reculons, toujours appelé les réactionnaires des écrevisses. Écrire, currente calamo, c'est l'excuse pour les fautes de style ou d'orthographe. Écrit bien écrit, mot de portier pour désigner les romans feuilletons qui les amusent. Écriture. Une belle écriture mène à tout. Indéchiffrable, signe de science. Exemple, les ordonnances des médecins. Écume de mer. Se trouve dans la terre. On en fait des pipes. Édile. Tonner contre à propos du pavage des rues. À quoi songent nos édiles ? Égoïsme. Se plaindre de celui des autres et ne pas s'apercevoir du sien. Éléphant. Se distingue par leur mémoire et adore le soleil. Émail. Le secret en est perdu. Embonpoint. Signe de richesse et de fainéantise. Émigré. gagner leur vie à donner des leçons de guitare et à faire la salade. Émir ne se dit qu'en parlant d'Abdelkader. Empire. L'empire, c'est la paix. Napoléon III. Enceinte. Fait bien dans les discours officiels. Messieurs, dans cette enceinte. Encrier. Se donne en cadeau à un médecin. Encyclopédie. En rire de pitié, comme étant un ouvrage rococo, et même tonner contre. Enfant. Affecter pour eux une tendresse lyrique, quand il y a du monde. Engelure. Signe de santé. Vient de s'être chauffé quand on avait froid. Enterrement. À propos du défunt. Et dire que je dînais avec lui il y a 8 jours. S'appelle obsèque quand il s'agit d'un général. Enfouissement. Quand c'est celui d'un philosophe. Enthousiasme. Ne peut être provoqué que par le retour des cendres de l'empereur. Toujours impossible à décrire, et pendant 2 colonnes, le journal ne parle que de ça. Entracte. Toujours trop long. Envergure. Se disputer sur la prononciation du mot. Épacte. Nombre d'or, lettre dominicale. Sur les calendriers, on ne sait pas ce que c'est. Épargne, caisse de. Occasion de vol pour les domestiques. Épée. On ne connaît que celle de Damoclès. Regretter le temps où on en portait. Brave comme une épée. Quelquefois, elle n'a jamais servi. Éperon. Font bien à une paire de bottes. Épicure. Le mépriser. Épinard. Sont le balai de l'estomac. Ne jamais rater la phrase célèbre de Prudhomme. Je ne les aime pas, j'en suis bien aise, car si je les aimais, j'en mangerai et je ne puis pas les souffrir. Il y en a qui trouveront cela parfaitement logique et qui ne riront pas. Époque, la nôtre. Tonner contre elle. Se plaindre de ce qu'elle n'est pas poétique. L'appeler époque de transition, de décadence. Épuisement. Toujours prématuré. Équitation. Bon exercice pour faire maigrir. Exemple. Tous les soldats de cavalerie sont maigres. Bon exercice pour engraisser. Exemple. Tous les officiers de cavalerie ont un gros ventre. Il monte à cheval comme un vrai centaure. R. Des révolutions. Toujours ouverte puisque chaque nouveau gouvernement promet de la fermer. Érection. Ne se dit qu'en parlant des monuments. Érudition. La mépriser comme étant la marque d'un esprit étroit. Escrime. Les maîtres d'escrime savent des bottes secrètes. Escroc. Toujours du grand monde. Voir espion. Espion. Toujours du grand monde. Voir escroc. Esplanade. Ne se voit qu'aux invalides. Esprit. Toujours suivi d'étincelants. Cours les rues. Les beaux esprits se rencontrent. Estomac. Toutes les maladies viennent de l'estomac. Étagère. Indispensable chez une jolie femme. Étalon. Toujours vigoureux. Une femme doit ignorer la différence qu'il y a entre un étalon et un cheval. Été. Toujours exceptionnel. Voir hiver. Éternuement. Après qu'on a dit « Dieu vous bénisse », engager une discussion sur l'origine de cet usage. Éternuer. C'est une raillerie spirituelle de dire « Le russe et le polonais ne se parlent pas, ça s'éternue. » Étoile. Chacun a la sienne, comme l'empereur. Étranger. Engouement pour tout ce qui vient de l'étranger, preuve de l'esprit libéral. Dénigrement de tout ce qui n'est pas français, preuve de patriotisme. Étrenne. S'indigner contre. Étrusque. Tous les vases anciens sont étrusques. Étudiant. Porte tous des bérets rouges, des pantalons à la hussarde, fumant la pipe dans la rue et n'étudie pas. Étymologie. Rien de plus facile à trouver avec le latin et un peu de réflexion.

auquel cas il faut dire froc. En province, est le dernier terme de la cérémonie et du dérangement. Habitude est une seconde nature. Les habitudes de collège sont de mauvaises habitudes. Avec de l'habitude, on peut jouer du violon comme Paganini. Hashish. Ne pas confondre avec le hashish qui ne provoque aucune extase voluptueuse. Haleine. La voix forte donne l'air distingué. Évitez les allusions sur les mouches et affirmez que ça vient de l'estomac. Hallebarde. Quand on voit un nuage menaçant, ne pas manquer de dire « il va tomber des hallebardes ». En Suisse, tous les hommes portent des hallebardes. Allié. Toujours sombre et impénétrable. Hamac. Propre au créole. Indispensable dans un jardin. Se persuader qu'on y est mieux que dans un lit. Hameau. Substantif attendrissant. Fait bien en poésie. Hanneton. Fils du printemps. Beau sujet d'opuscule. Leur destruction radicale est le rêve de tout préfet. Quand on parle de leur ravage dans un discours de comice agricole, il faut les traiter de funestes coléoptères. Akené, animal blanc du Moyen-Âge dont la race est disparue. Hara, la question des haras, beau sujet de discussion parlementaire. Harem. Comparer toujours un coq au milieu de ses poules à un sultan dans son harem. Rêve de tous les collégiens. Haran. Fortune de la Hollande. Harpe. Produit des harmonies célestes. Ne se joue en gravure que sur des ruines ou au bord d'un torrent. Fait valoir le bras et la main. Hébreu. Est hébreu tout ce qu'on ne comprend pas. Éduque. Le confondre avec eunuque. Hélice. Avenir de la mécanique. Hémicycle. Ne connaître que celui des beaux-arts. Hémorroïde. Vient de s'asseoir sur les poils et sur les bancs de pierre. Mal de Saint-Fiacre. Les hémorroïdes sont un signe de santé, il ne faut donc pas les faire passer. Henri III, Henri IV. À propos de ces deux rois, ne pas manquer de dire « tous les Henri ont été malheureux ». Hercule. Les Hercules sont du Nord. Hermaphrodite. Excite la curiosité malsaine. Cherchez à en voir. Hernie. Tout le monde en a sans le savoir. Hérode. Être vieux comme Hérode. Hérostrate. Employé dans toute conversation sur les incendies de la commune. Heureux. En parlant d'un homme heureux, il est né coiffé. On ne sait pas ce que ça signifie et l'interlocuteur non plus. Hiatus. Ne pas le tolérer. Hiéroglyphe. Ancienne langue des Égyptiens, inventée par les prêtres pour cacher leurs secrets criminels et dire qu'il y a des gens qui les comprennent. Après tout, c'est peut-être une blague. Hippocrate. On doit toujours le citer en latin parce qu'il écrivait en grec, excepté dans cette phrase. Hippocrate dit oui, mais Galien dit non. Hippolyte. La mort d'Hippolyte, le plus beau sujet de narration que l'on puisse donner. Tout le monde devrait savoir ce morceau par cœur. Hirondelle. Ne jamais les appeler autrement que messagères du printemps. Comme on ignore d'où elles viennent, dire qu'elles arrivent des bords lointains. Poétique. Histrion. Toujours précédé de ville. Hiver. Toujours exceptionnel. Voire été. Et plus sain que les autres saisons. Obero, de campagne. Avoir pour eux le plus souverain mépris. Homère, n'a jamais existé, célèbre par sa façon de rire. Homo, dire ecce homo, en voyant entrer l'individu qu'on attend. Honneur, quand on en parle, faire la citation, l'honneur est comme une île escarpée et sans bord. On n'y peut plus rentrer dès qu'on en est dehors. Il faut toujours être soucieux du sien, mais peu de celui des autres. Ok, pour le guérir, une clé dans le dos ou une peur. Horizon, trouver beau ceux de la nature et sombre ceux de la politique. Horreur, des horreurs, en parlant d'expression lubrique. On peut en faire, mais on ne doit pas en dire. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Hospitalité doit toujours être écossaise. Citez les vers. Chez les montagnards écossais, l'hospitalité se donne mais ne se vend jamais. Hospodar fait bien dans une phrase à propos de la question d'Orient. Hostilité. Les hostilités sont comme les huîtres, on les ouvre. Les hostilités sont ouvertes. Il semble qu'il n'y a plus qu'à se mettre à table. Hôtels ne sont bons qu'en Suisse. Hôte. Exemple à donner à son fils. Hugo, Victor, a eu bien tort vraiment de s'occuper de politique. Huile d'olive n'est jamais bonne. Il faut avoir un ami à Marseille qui vous en fait venir un petit tonneau. Huître, on n'en mange plus, elles sont trop chères. Humeur, se réjouir quand elle sort et s'étonner que le corps humain puisse en contenir de si grandes quantités. Humidité, cause de toutes les maladies. Hussard, prononcé housard, toujours précédé de gentil ou de fringant. Il plaît aux dames. Ne pas manquer la citation, toi qui connais les hussards de la garde. Hydre, de l'anarchie, du socialisme et ainsi de suite pour tous les systèmes qui font peur. Tâchez de la vaincre. Hydrothérapie, enlève toutes les maladies et les procure. Hygiène, doit toujours être bien entretenue. Elle préserve des maladies quand elle n'en est pas la cause. Hypothèque. Demander la réforme du régime hypothécaire. Très chic. Hypothèse. Souvent dangereuse, toujours hardie. Hystérie. La confondre avec la nymphomanie. Fin de la lettre H. Lettre I du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre I. Idéal, tout à fait inutile. Idéologue, tous les journalistes le sont. Idolâtre, son cannibale. Iliade, toujours suivi de l'Odyssée. Illisible, une ordonnance de médecin de lettres, toute signature, idem. Cela indique qu'on est accablé de correspondance. Illusion. Affecter d'en avoir beaucoup, se plaindre de ce qu'on les a perdus. Ilote. Exemple à donner à son fils, mais on ne sait où les trouver. Image. Il y en a toujours trop dans la poésie. Imagination. Toujours vive. Sans défier. Quand on n'en a pas, la dénigrer chez les autres. Pour écrire des romans, il suffit d'avoir de l'imagination. Imbécile, ceux qui ne pensent pas comme vous. Imbroglio, le fond de toutes les pièces de théâtre.

Italie. Doit se voir immédiatement après le mariage. Donne bien des déceptions. N'est pas si belle qu'on dit. Italien. Tous musiciens, tous traîtres. Ivoire. Ne s'emploie qu'en parlant des dents. Ivresse. Toujours précédée de folle. Fin de la lettre I. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Lettre J du Dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alexandre. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre J. Jalousie. Toujours suivi de effréné, passion terrible, les sourcils qui se rejoignent, preuve de jalousie. Jambage, droit de, ne pas y croire. Jambon, toujours de Mayence, s'en méfier à cause des trichines. Jansénisme, on ne sait pas ce que c'est, mais il est chic d'en parler. Japon, tout y est en porcelaine. Jardins anglais. Plus naturel que les jardins à la française. Jarnac, coup de. S'indigner contre ce coup qui, du reste, était fort loyal. Jarretière. Doit toujours se porter au-dessus du genou quand on appartient au grand monde, au-dessous pour les femmes du peuple. Une femme ne doit jamais négliger ce détail de toilette, il y a tant d'impertinence au monde. Jaspe. Tous les vases des musées sont en jaspe. Javelot. Vaut bien un fusil quand on sait s'en servir. Jésuite, on la met dans toutes les révolutions. On ne se doute pas du nombre qu'il y en a. Ne point parler de la bataille des Jésuites. Jeu, s'indigner contre cette fatale passion. Jeune fille, articuler ce mot timidement. Toutes les jeunes filles sont pâles et frêles, toujours pures. Éviter pour elle toute espèce de livre, les visites dans les musées, les théâtres et surtout le jardin des plantes côté singe. Jeune homme, toujours farceur, il doit l'être. S'étonner quand il ne l'est pas. Jeunesse. Ah, c'est beau la jeunesse. Toujours citer ces vers italiens, même sans les comprendre. Oh primavera, gioventù dell'anno. Oh gioventù, primavera della vita. Jockey. Déplorer la race des jockeys. Jockey Club. Ses membres sont tous des jeunes gens farceurs et très riches. Dire simplement le jockey, très chic, donne à croire qu'on en fait partie. John Bull. Quand on ne sait pas le nom en anglais, on l'appelle John Bull. Joie. La mère des jeux et des ris. On ne doit pas parler de ses filles. Jolie. S'emploie pour tout ce qui est beau. C'est joliment joli et le comble de l'admiration. Jonc. Une canne doit être en jonc. Jouet. Devrait toujours être scientifique. Jouissance. Mot obscène. Jour. Il y a les jours de monsieur, le jour de barbe, le jour de médecine, etc. Il y a ceux de madame qu'elle appelle critiques à certaines époques du mois. Journaux. Ne pouvoir s'en passer, mais tenez contre. Leur importance dans la société moderne. Exemple. Figaro. Les journaux sérieux, la revue des deux mondes, l'économiste, le journal des débats, il faut les laisser traîner sur la table de son salon, mais en ayant bien soin de les couper avant. Marquer quelques passages au crayon rouge produit aussi un très bon effet. Lire le matin un article de ces feuilles sérieuses et graves, et le soir, en société, amener adroitement la conversation sur le sujet étudié afin de pouvoir briller. Juif, fils d'Israël. Les Juifs sont tous des marchands de lorgnettes. Jujube. On ne sait pas avec quoi c'est fait. Jury, c'est vertueux ne pas en être. Justice, ne jamais s'en inquiéter. Fin de la lettre J. Enregistré par Alexandre, nkerly.wordpress.com. Lettre K, L, du Dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert, lettre KL. Kaléidoscope ne s'emploie qu'à propos des salons de peinture. Keepsake doit se trouver sur la table d'un salon. Kiosque, lieu de délices dans un jardin. Knout, mot qui vexe les Russes. Coran, livre de Mahomet où il n'est question que de femmes. Laboratoire, on doit en avoir un à la campagne. Laboureurs, que serions-nous sans eux? Lac, avoir une femme près de soi quand on se promène dessus. Laconisme, langue qu'on ne parle plus. Lacustre, les villes. Nier leur existence parce qu'on ne peut pas vivre sous l'eau. Lafayette, général célèbre par son cheval blanc. La Fontaine. Soutenir qu'on n'a jamais lu ses contes. L'appeler le bonhomme, l'immortel fabuliste. Lagune. Ville de l'Adriatique. Les. Dissous les huîtres. Attire les serpents. Blanchit la peau. Des femmes à Paris prennent un bain de lait tous les matins. Lancette. En avoir toujours une dans sa poche, mais craindre de s'en servir. Langouste, femelle du homard. Langue vivante, les malheurs de la France viennent de ce qu'on n'en sait pas assez. Latin, langue naturelle à l'homme. Gâte l'écriture, est seulement utile pour lire les inscriptions des fontaines publiques. Se méfier des citations en latin, elles cachent toujours quelque chose de leste. Laurier, empêche de dormir. Lavement, ne se dit qu'en parlant de la cérémonie du lavement des pieds. Légalité, la légalité nous tue. Avec elle, aucun gouvernement n'est possible. Léthargie, on en a vu qui durait des années. Libelle, on n'en fait plus. Liberté, oh liberté, que de crimes on connaît en ton nom. Nous avons toutes celles qui sont nécessaires. La liberté n'est pas la licence, phrase de conservateur. Libertinage ne se voit que dans les grandes villes. Libre-échange, cause des souffrances du commerce. Lieu, on fait plus vite une lieue que 4 kilomètres. Lièvre, dort les yeux ouverts. Ligueur, précurseur du libéralisme en France. Lila, fait plaisir parce qu'il annonce l'été. Linge, on n'en montre jamais trop, jamais assez. Lion, est généreux, joue toujours avec une boule. Bien rugi, lion. Et dire que le lion et le tigre sont des chats. Littérature, occupation des oisifs. Littré, ricaner quand on entend son nom. Ce monsieur qui dit que nous descendons des singes. Livre, quel qu'il soit, toujours trop long. Lord, anglais riche. Lorgnon, insolent et distingué. Louis XVI, toujours dire saint infortuné monarque. Loutre, sert à faire des casquettes et des gilets. Lumière, toujours dire fiat lux quand on allume une bougie. Lune, inspire la mélancolie et peut-être habiter. Luxe, perd les états. Lynx, animal célèbre pour son œil.

Fin de la lettre P. Lettres Q et R du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Alexandre. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettres Q et R. Quadrature du cercle. On ne sait pas ce que c'est, mais il faut lever les épaules quand on en parle. Question. La poser, c'est la résoudre. Racine. Polisson. Radeau. Toujours de la méduse. Radicalisme. D'autant plus dangereux qu'il est latin. La République nous mène au radicalisme. Ramoneur. Hirondelle de l'hiver. Rate. Autrefois, on l'enlevait aux coureurs. Râtelier, troisième dentition, prendre garde de la vallée en dormant. Reconnaissance, n'a pas besoin d'être exprimée. Religion, là, fait partie des bases de la société, est nécessaire pour le peuple, cependant, pas trop n'en faut. La religion de nos pères doit se dire avec onction. Républicain, les républicains ne sont pas tous des voleurs, mais les voleurs sont tous républicains. Restaurant. On doit toujours y demander les mets qu'on ne mange pas habituellement chez soi. Quand on est embarrassé, il suffit de choisir les plats que l'on sert aux voisins. Rêvasserie. Les idées élevées qu'on ne comprend pas. Réveillon. C'est le boudin qui constitue le réveillon. Richesse. Tient lieu de tout, même de considération. Rime. Ne s'accorde jamais avec la raison. Rince-bouche, signe de richesse dans une maison. Rire, toujours homérique. Robe, inspire le respect. Romance, le chanteur de romance plaît aux dames. Roman, pervertissent les masses, sont moins moraux en feuilleton qu'en volume. Seuls les romans historiques peuvent être tolérés parce qu'ils enseignent l'histoire. Il y a des romans écrits avec la pointe d'un scalpel, d'autres qui reposent sur la pointe d'une aiguille. Ronsard, ridicule avec ses mots grecs et latins. Rousseau, croire que Gigi Rousseau et J.B. Rousseau sont les deux frères comme l'étaient les deux Corneille. Rousse, voir blonde, brune et négresse. Ruine, font rêver et donnent de la poésie à un paysage. Fin des lettres Q et R. Enregistré par Alexandre, nkerly.wordpress.com. Lettre S du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Claude Kovofarki. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre S. Sabot. Un homme riche qui a eu des commencements difficiles est toujours venu à Paris en sabot. Sabre. Les Français veulent être gouvernés par le sabre. Sacerdoce. L'art, la médecine, etc. sont des sacerdoces. Sacrilège. C'est un sacrilège d'abattre un arbre. Saigner. Se faire saigner au printemps. Saint-Barthélemy. Vieille blague. Sainte-Beuve. Le vendredi saint dînait exclusivement de charcuterie. Sainte-Hélène. Île connue par son rocher. Salière. La renversée porte malheur. Salon, faire le. Début littéraire qui pose très bien son homme. Salutation. Toujours empressé. Santé. Trop de santé, cause de maladie. Saphique et adonique, vert. produit un excellent effet dans un article de littérature. Satrape. Homme riche et débauché. Saturnal. Fête du directoire. Savant. Les blagués. Pour être savant, il ne faut que de la mémoire et du travail. Sbire. S'emploie par les républicains farouches pour désigner les agents de police. Science. Un peu de science écarte de la religion, et beaucoup y ramène. Scudérie. On doit le blaguer, sans savoir si c'était un homme ou une femme. Sénèque. Écrivait sur un pupitre d'or. Serpent. Tous venimeux. Service. C'est rendre service aux enfants que de les caloter, aux animaux que de les battre, aux domestiques que de les chasser, aux malfaiteurs que de les punir. Séville. Célèbre endroit pour son barbier. Voir Séville et mourir. Voir Naples. Site. Endroit pour faire des vers. Société. Ses ennemis, ce qui cause sa perte. Sombreuil, mademoiselle de. Rappeler le verre de sang. Sommeil, épaissit le sang. Soufflet, ne jamais s'en servir. Somnambule, se promène la nuit sur la crête des toits. Souper de la régence. On y dépensait encore plus d'esprit que de champagne. Soupir. Doit s'exhaler près d'une femme. Spiritualisme. Le meilleur système de philosophie. Stoïcisme est impossible. Stuart Marie. S'apitoyer sur son sort. Suffrage universel. Dernier terme de la science politique. Suicide, preuve de lâcheté. Sybarite, tenez contre. Syphilis. Plus ou moins, tout le monde en est affecté. Fin de la lettre S. Lettre T du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Claude Covo-Farki. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre T. Tabac. Celui de la régie ne vaut pas celui de contrebande. Le prisé convient à l'homme de cabinet. Cause de toutes les maladies du cerveau et de la moelle épinière. Tabellion. Plus flatteur que notaire. Talleyrand. Prince de. S'indigner contre. Tartane. Viens dans ma tartane, belle grecque à l'œil noir. Romance. Taupe. Aveugle comme une taupe, et cependant elle a des yeux. Taureau. Le père du veau, le bœuf, n'est que l'oncle. Témoin. Il faut toujours refuser d'être témoin en justice. On ne sait pas où ça peut mener. Temps. Éternel sujet de conversation. Cause universelle des maladies, toujours sans plaindre. Terre. Dire les quatre coins de la terre, puisqu'elle est ronde. Thème. Au collège, prouve l'application, comme l'aversion prouve l'intelligence. Mais dans le monde, il faut rire des forts anthèmes. Toilette. Des dames. Trouble l'imagination. Tolérance, maison de, n'est pas celle où l'on a des opinions tolérantes. Tour. Indispensable à avoir dans son grenier à la campagne pour les jours de pluie. Transpiration des pieds, signe de santé. 13. Éviter d'être très à table, ça porte malheur. Les esprits forts ne devront jamais manquer de plaisanter. Qu'est-ce que ça fait? Je mangerai pour deux. Ou bien, s'il y a des dames, de demander si l'une d'elles n'est pas enceinte. Troubadour. Beau sujet de pendule. Fin de la lettre T. Lettre U à Y du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre U à Y. Ucase. Appeler Ucase tout décret autoritaire, ça vexe le gouvernement. Université. Alma mater. Usum. Ad. Ad usum. Locution latine qui fait bien dans la phrase ad usum Delphini. Devra toujours s'employer en parlant d'une femme appelée Delphine. Vaccine. Ne fréquenter que des personnes vaccinées. Vals. S'indigner contre. Danse lascive et impure qui ne devrait être dansée que par les vieilles femmes. Veiller. Celles de la campagne sont morales. Velours. Sur les habits, distinction et richesse. Vente. Vendre et acheter, but de la vie. Ventre. Dire abdomen quand il y a des dames. Véresse. On ne lui a pas encore pardonné. Vieillard. À propos d'une inondation, d'un orage, etc., les vieillards du pays ne se rappellent jamais en avoir vu un de semblable. Vin. Sujet de conversation entre hommes. Le meilleur est le Bordeaux, puisque les médecins l'ordonnent. Plus il est mauvais, plus il est naturel. Visage, miroir de l'âme. Alors, il y a des gens qui ont l'âme bien laide. Vizir, tremble à la vue d'un cordon. Voisin, tâchez de se faire rendre par eux des services sans qu'il en coûte rien. Voiture, plus commode d'en louer une que d'en posséder. De cette manière, on n'a pas le tracas des domestiques, ni des chevaux qui sont toujours malades. Voltaire, célèbre par son rictus épouvantable. Science superficielle. Voyage, doit être fait rapidement. Voyageur, toujours intrépide. Wagner, ricaner quand on entend son nom et faire des plaisanteries sur la musique de l'avenir. Yvetot. Voir Yvetot et mourir. Voir Naples et Séville. Fin des lettres U à Y. Fin du dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Enregistré par Aldor.